Alors, c'était une belle introduction, une belle matinée où on parle de nos enfants, on parle de l'enseignement que Dieu fait pour nous, puis c'est exactement ce qu'on va voir dans le psaume 78. Quand j'ai su que Nicolas allait venir ce matin pour partager un peu sur le camp, Martin m'a appelé et tout de suite j'ai dit, mais je peux amener un partage, quelque chose que j'ai amené dans une conférence pour les moniteurs d'école de dimanche. Alors, j'ai ajusté certaines de mes notes parce que vous n'êtes pas les moniteurs, mais on est tous accompagnateurs des jeunes. Alors, c'est ça un peu le but de ce message, de nous voir, de voir notre responsabilité en tant qu'adultes auprès des jeunes de notre communauté et les jeunes du quartier aussi, parce que ça fait un peu partie de notre thème pour le matin. Et je trouve que les témoignages qu'on donnait à partir du mois d'août et un peu septembre, pas aujourd'hui, mais dans les autres dimanches, parce qu'on partage nos histoires, hein, on a chacun un récit. Alors, on va regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un récit, c'est quoi le récit de l'Église, c'est quoi notre récit commun que nous avons et qu'est-ce que ces récits, comment est-ce qu'ils servent dans notre formation en tant que disciples et dans la formation de nos jeunes. Alors, j'ai choisi le psaume 78 et ça commence, c'est un poème d'Asaph, mais ça commence avec la voix de Dieu. Alors, c'est Dieu qui parle dans le premier verset qui dit « Mon peuple écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire ». Alors, les deux phrases sont pareilles, c'est dans un poème, il y a une répétition, il y a une élaboration d'une pensée avec la deuxième ligne. Alors, l'idée de l'enseignement, c'est vraiment le mot Torah. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Torah, c'est l'Ancien Testament, c'est les cinq livres de Moïse, c'est la Torah. Alors, ça, c'est le mot dans le premier verset, enseignement. Alors, c'est Dieu qui est notre pédagogue. C'est Dieu qui nous enseigne. Et il nous demande d'écouter, d'être attentif à sa parole. Alors, après ça, c'est Asaph qui prend la parole. Et si vous avez remarqué, c'est un psaume qui est très, très long. On ne va pas lire et expliquer tout le psaume, mais je vais faire le premier 8 versets et puis je vais sauter à la fin pour une certaine raison. Mais comment est-ce que Dieu va nous enseigner? Et c'est quoi notre rôle dans la communauté en tant qu'enseignant aussi? Asaph a dit en verset 2, « Je dirai les leçons en paraboles ». Où il, dans une autre version, j'ouvre la bouche pour un poème. Alors, le psaume 78, c'est le poème d'Asaph. C'est lui qui va raconter la parabole, disons. Mais moi, j'ai regardé le mot parabole, machal en hébreu, et il y a plusieurs significations à ce mot, plusieurs richesses, niveaux de richesse. Une parabole, on pense tout de suite aux paraboles de Jésus, n'est-ce pas? Mais dans l'Ancien Testament, c'était les proverbes. Les petits dictons qui avaient plein de sagesse, une phrase qui dit beaucoup, ça c'est aussi un parabole. Ça peut être une leçon d'objet. Alors souvent avec les enfants, on utilise quelque chose pour illustrer une vérité spirituelle, n'est-ce pas? Alors ça c'est aussi l'idée de parabole. Ça peut être aussi un récit, quelque chose que nous racontons. « Maman, raconte-moi ma naissance. » Combien de fois est-ce que vos enfants avaient posé cette question? « Maman, raconte-moi la fois que nous avons fait telle et telle chose. » »« Maman, raconte-moi qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais jeune. » Alors, les enfants veulent savoir et ressavoir ces histoires. Et ça devient une partie de leur identité, n'est-ce pas? Et à 4 ans, ils veulent savoir certaines choses. À 10 ans, ils cherchent autre chose. Puis à 25 ans, ils cherchent d'autres éléments dans les mêmes histoires. Alors, quand nous chantons les chants, on s'accroche sur différentes pensées aussi selon ce qu'on vit à ce moment-là. Alors, il y a 20 ans, quand j'ai chanté ces chants, j'avais une certaine pensée, une certaine chose. Et quand je voulais chanter à mes filles, quand elles étaient très petites, on a accroché sur certains aspects de ces chants. Maintenant, ça change. Mais il y a toujours une sagesse spirituelle qui est véhiculée par ces proverbes, ces récits, ces leçons d'objet. C'est sûr que dans le Nouveau Testament, Jésus, on a le rapport de beaucoup de paraboles de Jésus, puis il a perfectionné cette façon de raconter quelque chose du quotidien pour souligner une vérité spirituelle, pour nous surprendre aussi. Il y a toujours une surprise dans les paraboles, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses qui nous prennent par surprise. Et ça fait partie de notre formation, notre enseignement qu'on reçoit en tant que chrétien. Dans l'Ancien Testament, nous avons tout le livre des Proverbes. Les Proverbes ont pour but pour enseigner la sagesse et pour qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite, correcte. Alors, quand je lis les Proverbes, il y a des choses très pratiques, quoi faire, quoi ne pas faire, sur la bouche, sur la langue, l'argent, sur les décisions, comment ne pas agir en tant que jeune ou moins jeune, etc. Alors, nous avons vraiment, je dirais, des leçons en parabole. Alors, c'est l'aspect moral, l'aspect de valeur, n'est-ce pas, de notre cheminement ensemble. Et de raconter une histoire de notre vie quotidienne, mais toujours avec la perspective de Dieu. Comment est-ce que Dieu a agi à travers cette histoire? Alors, nous sommes en train d'interpréter pour les jeunes qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce que nous vivons. Et ça, c'est une richesse que nous partageons ensemble en tant que quelques familles et en tant que communauté. La deuxième partie de verset 2 dit « J'évoquerai les secrets du passé » ou « J'annonce les énigmes des temps anciens ». Alors, j'ai cherché encore le mot « énigme », c'est comme un mystère. Parfois, c'est des casse-têtes. Parfois, ce sont des choses qui ne font pas de sens. Les choses qui arrivent, qui vraiment sont des énigmes. Je ne peux pas comprendre pourquoi cette chose est arrivée. Pourquoi j'ai agi de cette façon? Pourquoi est-ce que Dieu a agi de cette façon? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, nous avons des énigmes. Dans cette église, vous avez vécu beaucoup, beaucoup de choses qui sont mystérieuses, qui sont compliquées. Et c'est ça aussi, on partage avec les jeunes. On a la tendance, moi j'ai la tendance à vouloir tout expliquer, de mettre noir et blanc sur les choses qui sont plus complexes que juste le noir et le blanc. Mais peut-être on devrait laisser les énigmes telles quelles, parce que ça fait partie de la vie. La vie n'est pas aussi ordonnée qu'on aimerait. Mais aussi, avec les jeunes, on peut réfléchir sur les questions difficiles, sans leur donner toujours toutes les réponses, mais de leur permettre de poser des questions. Est-ce qu'on permet aux jeunes de poser des questions? Est-ce qu'on se sent toujours obligé de répondre? Ou est-ce qu'on peut les aider à trouver les réponses ensemble? Alors moi, je vois beaucoup de richesse dans l'idée d'annoncer les énigmes des temps anciens. Dans le temps d'Israël, si vous avez le temps de lire le reste de ce psaume cette semaine, vous allez voir qu'il n'a pas mincé ses mots. Il a dévoilé les choses qui étaient assez bêtes, assez stupides et assez rebelles et difficiles que le peuple d'Israël ont fait. Mais il souligne constamment la fidélité de Dieu à travers ces moments difficiles, rebelles, stupides. Alors ça aussi, ça fait partie de notre histoire, de ne pas toujours cacher ce qui est arrivé, mais d'essayer d'interpréter par la perspective de Dieu ce qui nous arrive. Et Dieu aussi est une énigme mystérieuse. Parfois, on comprend très bien, on reconnaît tout de suite quelque chose que Dieu fait. Ah, ça c'est main de Dieu. Ça c'est évident que Dieu était dedans, mais parfois, non, on ne comprend pas. Nous savons certaines choses du caractère de Dieu et c'est en sorte pourquoi on chante ensemble, pourquoi on raconte les choses, parce que si moi je n'ai pas compris quelque chose qui m'arrive, quelqu'un d'autre peut-être a une lumière à mettre sur cette situation. Et pendant que les enfants grandissent, il faut qu'ils apprennent comment voir la main de Dieu dans leur vie, dans ce qu'ils vivent. Et ce n'est pas toujours énigmatique, Dieu. Parfois, il se révèle de façon claire. Nombre 12, 8 dit, « Regardez Moïse, je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme. » Et il contemple une représentation de l'Éternel. Alors, nous avons la possibilité de s'approcher de Dieu, d'être dans une relation d'intimité avec lui, de le voir clair. Mais il est Dieu et nous sommes nous. Alors, on ne peut jamais oublier cet aspect, qu'il est Dieu et il reste Dieu, et parfois c'est mystérieux. En versets 3 et 4, il dit, « Ce que nous avons entendu et ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous n'allons pas le cacher à nos enfants, nous redirons à tous ceux qui nous suivent les louanges de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges qu'il a opérés. » C'est sûr que dans la famille, comme j'ai mentionné tantôt, on raconte les choses. Puis il y a certaines histoires qui deviennent la fabrique de cette famille, n'est-ce pas? Dans le mois d'août, j'étais avec toute la famille Smith. Nicolas était là. Et on a fêté le 4e anniversaire de naissance du père de Glenn. Alors, il avait 4 enfants et il y a maintenant une douzaine de petits-enfants. On était tous là et avec aussi quelques amis, mais principalement, c'était la famille. Au moment de vraiment fêter, parce qu'on était ensemble toute une fin de semaine, mais on a eu une fête le samedi après-midi, puis on a demandé à 4 personnes de rendre un hommage à grand-papa. Alors, c'était le fils aîné, Glenn, c'était sa fille aînée, Melody, un beau-fils, et le petit enfant le plus âgé, la femme de Nicolas, ma fille, Jenna. Et chacun des 4 ont apporté des histoires, des anecdotes et des réflexions qui, je pense que c'était vraiment révélateur pour certaines qui écoutaient. Puis quand j'entendais ce que chacun disait, je regardais tout le monde, puis certaines étaient comme, « Ah oui? Ah, je ne savais pas. » T'sais, on voyait dans leur visage l'intérêt, parce que Glenn apportait des choses de chaque décennie de sa vie où son papa était là pour lui. Ce n'était pas nécessairement le cas pour les 3 autres. Et Jenna a rapporté des choses parce qu'elle était la petite fille de son grand-père qui vivait une relation assez proche à lui, plus proche que peut-être quelques autres. Alors, elle a raconté des choses drôles aussi, les choses qu'elle se souvenait depuis qu'elle était toute petite. Et puis, son beau-fils, a raconté les choses du point de vue de comment s'insérer dans une famille comme les Smith. Et ça, c'était vraiment cute. C'était vraiment cute ce qu'il a partagé. Puis, ce n'était pas évident non plus pour lui et quelques autres. Et Nicolas, c'est toute une famille. Alors, chacun a apporté une perspective différente. Ce que Melody a partagé m'a touché beaucoup parce que le père de Glenn, Melody et les 2 autres est venu d'une famille vraiment, vraiment pas croyant, comme pas croyant. Il est venu au Seigneur en tant que jeune adulte. Alors, il est devenu le bête noire de la famille. Okay? Vous comprenez ça, certains parmi vous, hein? Et ses 4 enfants sont dans le ministère à temps plein, beaucoup de ses petits-enfants aussi. Et l'héritage que Dieu a tissé à travers la femme qui a amené Carl au Seigneur et sa fidélité de suivre le Seigneur, de marier une femme chrétienne et ensemble de fonder une famille sur les valeurs et la foi chrétienne. Et le résultat autour de cette galerie, cette matinée-là, ça nous a touchés profondément. Et j'étais contente que ce n'était pas juste de raconter les choses et de donner les tapes sur le dos de Carl, mais aussi de féliciter la fidélité de Dieu. Et c'est ça que nous sommes appelés de faire. C'est sûr qu'il y a des choses que mon beau-père fait qui fâchent. Il est un être humain comme tout le monde. Et nous faisons des choses qui le fâchent aussi. Mais on n'a pas souligné ces choses cet après-midi-là. Heureusement. Mais on a souligné vraiment ce que Dieu fait dans sa vie et dans la vie de sa famille. Et c'était vraiment un beau témoignage pour moi, surtout pour les petits-enfants qui, parce qu'ils sont plus âgés, ils voyagent beaucoup, ils le connaissent moins, peut-être. Alors, ça, c'était un moment vraiment selon le psaume 78, où on a enseigné les uns les autres à travers nos anecdotes et nos histoires, comment Dieu est fidèle auprès de la famille. Et quand je regarde le verset 3 et 4, il parle de 3 choses. De redire les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cette église? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Moi, une chose que j'aime, j'assiste cette église d'une façon régulière depuis le mois d'avril à peu près. Et une chose que j'apprécie tellement, c'est les partages, parce que vous voyez la main du Seigneur, vous partagez les choses d'une façon honnête. Il n'y a pas de choses cachées, mais vous voyez la main de Dieu, puis on se prie l'un pour l'autre, et on souligne la puissance de Dieu, malgré, parfois, malgré. Et je trouve ça très honnête comme groupe de chrétiens qui essaient de cheminer ensemble. Alors, je vous félicite, et je sais, même je l'ai vu ce matin, la façon qu'on a félicité Jean-Philippe, la façon qu'on a écouté Tommy, la façon que les jeunes sont venus pour parler de leur ligue d'improvisation. Est-ce que c'est une activité chrétienne? Pas dans le sens strict dans lequel nous étions élevés, n'est-ce pas? Mais c'est une fabuleuse expérience pour eux de vivre ensemble, en tant qu'un groupe chrétien qui vont participer en quelque chose dans la communauté. C'est formidable. Alors, je vois qu'ici, on devrait continuer à s'encourager et de encourager les jeunes, de donner une tape sur le dos, de s'informer de ce qu'ils vivent. Et moi, j'ai toujours apprécié les autres chrétiens jeunes adultes qui ont passé du temps avec mes filles. J'avais toujours une banque de données des jeunes adultes qui étaient plus jeunes que moi, mais plus sages que mes filles, qui ont pu soit les garder pendant une fin de semaine où on était partis, ou passer une soirée avec eux, ou les faire sortir pour faire des choses, parce que moi, j'ai presque pas de famille au Québec. Alors, pour moi, c'est devenu les personnes de famille pour eux. Et ils étaient capables de se confier à ces personnes quand les choses étaient trop difficiles de nous confier. Et j'apprécie tellement ces personnes dans la vie de mes filles. Alors, je nous encourage de faire ça, les uns pour les autres, parmi les enfants qui sont dans cette église. Il y avait juste l'autre exemple aussi au funérail de la mère de Daniel. Parce qu'elle a vécu des souffrances dans la dernière partie de sa vie. Et on peut la laisser aller avec juste ce souvenir. Et j'étais contente que vous avez souligné les belles années de sa vie, les belles qualités de sa vie, qui étaient peut-être un peu plus en cachette dernièrement. Mais c'est une façon de fermer la boucle sur sa vie, d'une façon positive, de souligner qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie et comment elle a vécu sa foi en action de sa façon. Alors, c'est des choses qui sont extrêmement pédagogique pour une communauté, de se souvenir d'une perspective de Dieu, qu'est-ce que nous vivons ensemble, et de communiquer ces choses à nos enfants. Et comme j'ai lu, c'est pas juste nos enfants, mais les enfants de nos enfants. Alors, on va venir à ça. Verset 5 dit, « Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lever à son tour de communiquer les mêmes choses à génération après génération. » Et dans le Nouveau Testament, nous avons la réinterprétation de ce psaume en 2 Timothée 2:2, où Paul a dit à Timothée, « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Alors là, nous n'avons pas simplement la génération physique dans une famille physique, mais nous avons la transmission de notre foi, de nos histoires, de notre récit, et comment nous faisons partie du projet de Dieu à ceux qui sont plus jeunes dans la foi, pour qu'ils puissent transmettre à d'autres. Alors ça, c'est la génération spirituelle, si vous voulez, de transmettre les choses. Alors ceux qui sont ici depuis longtemps, qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, nous avons la responsabilité de transmettre à ceux qui sont plus jeunes dans la foi ce que nous comprenons de Dieu, ses prodiges et sa puissance. Alors j'aime vraiment cet aspect de qu'est-ce que ça veut dire de vivre en communauté. C'est pas juste oula et faire des événements et tout ça, mais vraiment de s'assurer que tout le monde comprend où est Dieu dans nos vies, comment est-ce qu'il agit. Et ça devient un peu notre identité en tant que chrétien. Moi, je suis pas toute seule dans la vie, mais je fais partie d'une communauté. Ça fait partie de mon identité. Et cette communauté est basée sur le caractère de Dieu et sa puissance. Alors, quand je me perds au travail, dans mes émotions, dans une situation qui est vraiment complexe ou compliquée, je sais que mon identité est basée sur le caractère de Dieu. Et Dieu ne change pas. Il y a bien des choses qui changent dans la vie, mais Dieu ne change pas, puis il est toujours en train d'agir pour notre bien et pour accomplir son projet. Ce que nous connaissons, c'est un mot qui, peut-être vous savez en grec, de connaître a deux sens. Moi, je peux savoir des faits ou je peux connaître quelqu'un. C'est une connaissance familiale, c'est une connaissance intime. Alors, j'étais surprise de voir que dans l'Ancien Testament, on a ce même nuance, que la connaissance, ce que nous connaissons, nous allons transmettre, c'est d'être capable de percevoir, c'est d'être capable de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, d'être capable d'interpréter ce qui nous arrive par la perspective de Dieu, par les valeurs chrétiennes et les vérités bibliques. J'ai toujours le choix de voir notre situation d'un point de vue de doute ou d'un point de vue de foi. Et moi, je vis les deux en même temps, souvent. Mais ça, c'est correct. Quand j'ai des doutes, je lutte avec le Seigneur. Puis je fais ma bataille avec lui. Pourquoi est-ce que telle chose arrive? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et il est capable d'absorber ma colère. Il est capable d'absorber ma doute. Il me répond. J'écris des choses parfois dans mon journal. Et si c'est vraiment quelque chose d'épineuse, je mets une date à côté. Puis quand la chose commence à se résoudre ou se clarifier, je retourne dans mon journal. Ah oui, j'avais cette question. Puis regarde la façon que Dieu a répondu. Puis je le partage avec quelqu'un d'autre. Je partage avec mes filles ou avec mes amis, dans les petits groupes. Puis je vais parler de la richesse des petits groupes en octobre. Alors, je reviens à ce sujet à ce moment-là. Versets 6, 7 et 8. Dans mes notes, j'ai 7 avant 6. OK. Versets 6, 7 et 8. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on va partager ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on s'assure que nous parlons de la puissance de Dieu malgré? Pourquoi est-ce que nous partageons les énigmes qu'on vit, qu'on voit? Il y a trois versets qui donnent vraiment le pourquoi de ça. Verset 6. « Afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants. » Alors, j'ai déjà lu ça, mais c'est pour la prospérité spirituelle. C'est pour continuer à transmettre, que ça ne meure pas, que ça ne finit pas avec nous. C'est la perpétuité de notre communauté. Et Jésus a commandé la même chose en Matthieu 28, on l'appelle l'ordre suprême, et c'était la même idée, de transmettre ce qu'ils ont vécu à plein d'autres personnes pour que le royaume puisse s'épandre. Alors c'est ça qu'ils ont fait. Et deuxièmement, il a dit « afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements. » Alors, ce sont des choses assez spécifiques, qu'ils placent leur confiance en Dieu. Je ne veux pas que mes enfants soient instruits par la Bible, mais ils ne sont pas capables de mettre leur confiance en Dieu dans une situation difficile. Ça, c'est juste le savoir, mais ça ne veut rien dire avec le savoir-être. Mais s'ils commencent à pratiquer de mettre leur confiance en Dieu dès un jeune âge, ils vont avoir cette réflexe et cette habitude et cette confiance rendue à l'âge adulte. Quand ma fille avait 3 ans, elle s'est sévrée le bout de son doigt dans une porte. Clac, la porte, le bout de doigt a été sévré. Alors, vous pouvez imaginer les hurlements et les cris. Et moi, j'étais toujours en pyjama, alors j'ai mis les vêtements. Glenn, J'étais dans l'auto, on l'a emmené à l'hôpital. Moi, j'ai presque évanoui quand ils ont enlevé le pansement. Oh! Puis là, il nous a envoyé au hôpital des enfants pour le recoudre. Et il a dit, je garantis à rien. Si ça peut repousser, on va perdre l'ongle, je ne sais pas. Mais on a fait notre mieux. Alors, une semaine après, c'était à moi d'enlever le pansement avant de retourner chez le chirurgien pour faire le bilan. Alors, j'ai enlevé le pansement, comme ça. Puis, j'ai regardé dans le pansement, puis le bout de doigt était dedans. Tu sais. Mais on a regardé son doigt, puis il était repoussé. L'ongle était là, le bout de doigt était là, et j'étais comme... Puis, c'était tout rouge. Hein? Alors, moi, j'avais le cœur, l'estomac quand même qui faisait des sursauts parce que c'était dégoûtant. Mais quand même, il était guéri. Alors, Julie a regardé mon visage, puis elle regarde son tout petit doigt, tu sais. Puis j'ai dit, « Oh, c'est intéressant! » Puis elle a dit, « Oui, c'est intéressant! » C'est comme, « Oh! » Le lendemain, c'était revenu à sa couleur normale, l'ongle était là, et puis jusqu'à aujourd'hui, elle a une cicatrice sur son doigt, et elle ne pouvait jamais nier le miracle du Seigneur pendant son adolescence. Alors, c'est fort, hein? Dieu a mis un marque sur elle, qu'elle peut jamais oublier, elle ne peut jamais nier que c'était une guérison miraculeuse. Alors, j'ai remercié le Seigneur beaucoup pendant son adolescence, parce qu'elle avait vraiment des hauts et des bas, mais elle avait son doigt avec la cicatrice et le souvenir de ce que le Seigneur avait fait pour elle à 3 ans. Elle ne pouvait pas le nier. Alors, nous n'avons pas tous les marques physiques sur nous, mais nous avons des marques, nous avons des cicatrices. Mais nous savons qu'est-ce que Dieu a fait pendant ces moments de blessure. Et il faut le dire les uns les autres. Alors, on n'oublie pas les hauts faits de Dieu fort. Et la troisième chose, on observe ses commandements. Alors, ce n'est pas juste pour avoir la protection du Seigneur, mais qu'on le suive, qu'on est capable de savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être consacré, d'être dédié, d'être pur dans nos pensées. Alors, l'aspect moral qui vient de la Bible, ça, c'est la partie difficile parfois pour les jeunes, n'est-ce pas? Ils veulent prier Dieu au secours, mais ils ne veulent pas nécessairement toujours suivre toutes les consignes, tous les principes bibliques. Puis nous sommes là en tant que, et je reviens à mon mot, accompagnateur, coacher, leur montrer un chemin, d'être patient, prier pour eux, les encourager pour tous les bons gestes qu'ils font et de les encourager d'observer les commandements de Dieu. Et puis la dernière chose, pourquoi est-ce qu'on raconte notre histoire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Afin qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et nous savons, dans l'histoire d'Israël, il y avait des générations qui n'ont pas suivi le Seigneur, qui étaient rebelles, étaient indociles. Et on ne veut pas que ça arrive à nos jeunes. Je sais que parmi vous qui sont venus au Seigneur à l'âge adulte, vous voulez savoir parfois comment ça va se passer d'avoir une conversion aussi dramatique parmi les enfants. Mais ce n'est pas nécessairement que ça soit dramatique pour que ça soit vrai. Quand ils commencent à internaliser leur foi, de vivre de leur propre gré selon les principes du Seigneur, pour qu'ils aient un esprit qui est fidèle à Dieu, par eux-mêmes. Là, nous savons que nous avons transmettre ce que nous connaissons. Et on continue à faire ce travail les uns pour les autres. Nous sommes très, très habiles à raconter les histoires bibliques. Nous savons beaucoup de choses sur Jésus. On peut tous raconter l'Exode de l'Ancien Testament. On peut nommer quelques rois, peut-être. Mais est-ce que nous savons notre histoire au Québec? Est-ce que nous comprenons qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que nous sommes capables de transmettre ce qui est arrivé dans l'œuvre missionnaire au Québec? Cette église ne fait pas partie d'une dénomination, mais il y a des belles histoires au niveau des dénominations qui se sont installées au Québec dans les années 60. 70. Est-ce que nous connaissons certaines de ces histoires? Est-ce qu'on a mis un X sur l'Église catholique complètement? Ou est-ce qu'il y a des choses et un héritage catholique qui devrait être raconté les uns envers les autres et à nos jeunes? Est-ce que dans cette Église, qu'est-ce que vous racontez à propos de l'héritage dans cette Église? Ce que Dieu a fait ici, alors ça fait partie de notre récit, n'est-ce pas? Alors, mais le but de tout ça, c'est qu'on peut encourager les uns les autres de rester fidèles à Dieu, de continuer à mettre notre confiance en lui, de souligner ses prodiges, de savoir qu'il est là pour nous. Alors, nous sommes des accompagnateurs des jeunes chrétiens, peut-être jeunes de l'âge, peut-être jeunes dans la foi, mais c'est notre appel. Et moi, j'aime tellement ce psaume à cause de la fin, parce que Asaph a raconté toutes les hauts et les bas dans le peuple d'Israël, mais il finit en disant ceci. À partir de verset 65, son point de vue sur où est Dieu, on a besoin de lui, puis Asaph a écrit ça. Mais comme un dormeur qui sort de ses rêves, tout à coup, l'Éternel se réveilla comme un guerrier exalté par le vin. Il frappa ses ennemis, il les couvrit d'une honte éternelle et écarta la maison de Joseph. Et il a choisi la tribu de Juda, ce mont Sion qu'il prit en affection. C'est là qu'il édifia son sanctuaire, comme la terre établie. Et là, il finit avec cette petite histoire. Il a choisi son serviteur David et il l'a tiré de ses bergeries. Alors, vous vous souvenez, hein, David qui était loin du monde. Prenez soin des brebis. Il a pris du milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. Qui sait parmi nous qu'est-ce que le Seigneur a pour nos jeunes? Est-ce qu'il y a un David? Est-ce qu'il y a une Esther? Qu'est-ce que le Seigneur demande de nos jeunes? D'être intègres et d'avoir les mains habiles, d'être capables d'entreprendre quelque chose. Alors, Dieu est le pédagogue, il est en train de former nos jeunes, mais nous sommes les accompagnateurs qui peuvent les encourager avec leur intégrité, avec leurs habiletés, pour qu'ils soient prêts quand le Seigneur met la main sur eux de faire ce qu'il a pour eux de faire. Alors, c'est pas, nos familles ici ne sont pas destinées à un petit pain pour une petite vie, mais sont destinées de faire partie du projet de Dieu. Et ça, c'est énorme. Que ça soit publiquement significatif ou juste quelque chose qui est significatif devant le Seigneur et un petit coup. Mais nous voulons que nos jeunes soient prêts à participer pleinement dans le projet de Dieu. Et ils le font déjà. Moi, je ne vois pas les jeunes comme l'Église de demain, mais je les vois comme ils font partie intégrante de notre Église aujourd'hui. Et je vois que, je pense que vous avez la même idée ici, parce qu'ils sont tellement intégrés dans le service et les amitiés et tout ça. Qui sait que ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? L'oncle de Esther lui a dit ça. Elle était une jeune fille qui était belle. Elle n'avait pas vraiment, on ne sait pas quelles sont ses autres qualités. Elle était belle. Mais Dieu l'a mis dans une situation pour sauver son peuple. Alors, nous avons le privilège de participer dans la préparation à l'avenir de nos jeunes. Et je trouve ça formidable. Dans leur formation spirituelle, parce que le Seigneur veut qu'ils participent pleinement dans son projet, de sa façon et avec son timing. Alors, ça, c'est notre défi ce matin. Et je pense que c'était déjà communiqué pas mal par le partage du camp et les chants et tout ça. Alors, on prie. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité, pour ta puissance, pour ta main sur nous que tu nous as confié beaucoup de jeunes, jeunes de l'âge et jeunes chrétiens, et qu'ensemble, nous pouvons s'encourager par nos récits, par ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour le fait que tu es un Dieu de récits. Tu te révèles par les histoires et l'histoire. Que nous soyons les bons accompagnateurs des jeunes pour qu'ils puissent être prêts et capables quand tu mets ta main sur eux dans ton projet. Dans le nom de Jésus.